50 languages. 64. 64. 64. النافي رقم واحد. Négation 1. Négation 1. لا أفهم الكلمة. Je ne comprends pas le mot. Je ne comprends pas le mot. لا أفهم الجملة. Je ne comprends pas la phrase. Je ne comprends pas la phrase. لا أفهم المعنى. Je ne comprends pas le sens. Je ne comprends pas le sens. المدرس. المعلم. L'instituteur. L'instituteur. أتفهم المعلم؟ Comprenez-vous l'instituteur? Comprenez-vous l'instituteur? نعم، أفهمه جيدا. Oui, je le comprends bien. Oui, je le comprends bien. المعلمة، المدرسة. L'institutrice. L'institutrice. أتفهم المعلمة؟ Est-ce que vous comprenez l'institutrice? Est-ce que vous comprenez l'institutrice? نعم، أفهمها جيدا. Oui, je la comprends bien. Oui, je la comprends bien. الناس. Les gens. Les gens. أتفهم الناس؟ Est-ce que vous comprenez les gens? Est-ce que vous comprenez les gens? لا، لا أفهمهم كما يجب. Non, je ne les comprends pas très bien. Non, je ne les comprends pas très bien. الصديقة. L'ami. L'ami. ألديك صديقة؟ Avez-vous une amie? Avez-vous une amie? نعم، لدي صديقة. Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. الابنة. La fille. La fille. ألديك ابنة؟ Avez-vous une fille? Avez-vous une fille? لا، ليس لدي ابنة. Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas.